Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Nous avons un podcast. Bonjour et bienvenue à la balado-diffusion. Pas de problème. Ici Frédéric Barbouchi en compagnie de Martin Boilly. Salut Frédéric. Salut Martin. David Lambert. Salut Frédéric. Salut Martin. Salut David. Salut. Et Mathieu Bouillon. Je veux mon éléphant. Je veux mon éléphant. Je veux mon éléphant! Celle-là, c'est ma préférée, je pense. Ouais, celle-là, il était bon quand même. Bonne! Là. Bravo! Bravo! Bravo! La chanson des éléphants. Ouais. Bienvenue à Pas de problème, hein, où quatre experts en rien s'improvisent experts en tout, le temps d'offrir plusieurs solutions à un problème donné pour finalement réaliser que la meilleure solution est souvent celle d'un dude qui l'a donné sur Twitter. Oh! Très bon! Pas de problème, c'est ça. Les gens nous fournissent des problèmes et on se lance, on se laisse aller. Et des fois, on pogne des chires, comme la semaine passée. Comme la semaine passée. Oui, c'est ça. Petite chire. Petite chirette comme... C'était minuscule. Petite chirette de rien. Chire et salut. On a reçu des mises en demeure de Edith Butler. Ouais. Et de Carrie Fisher. Puis j'allais dire Carrie Price. Carrie Price, c'est Phil Pedo aussi, il l'a pas trouvé drôle. Qu'on... Ben non, ça fait deux semaines qu'il nous écrit plus. Là. Non, mais normalement, Bratouette, lui, il est tellement blasé. Que ça a passé comme dans du beurre. Le problème nous vient cette semaine d'un. De, un grand podophile. Grand fournisseur de problèmes, s'il en est un. Notre beau Banjo. Banjo Bouchon. Le seul et l'unique. Voici ton problème, Banjo. Bonjour, pas de problème. Salut. J'ai besoin de vos conseils pour régler un problème personnel qui, j'en suis sûr, touche... J'en suis sûr. Alors, qui j'en suis sûr, excuse-moi, touche aussi beaucoup d'autres podophiles. Le problème est assez simple. Dans un petit marché où je vais, une des caissières est vraiment jolie. Ouais, et je me demandais comment trouver une façon de réussir à créer un contact qui pourrait mener éventuellement à une socialisation en dehors du contexte caissière-client. Je ne vous demande pas de me dire comment parler à une fille, non, mais seulement de la meilleure approche possible pour entrer en contact dans un contexte plus propice aux interactions humaines socialement signifiantes, que ce soit un café, resto ou même texto ou Facebook. Okay. Je cherche donc la meilleure stratégie possible face à cette situation délicate. Merci de bien vouloir mettre la machine pas de problème au service de mon problème et du même coup, l'humanité. Étant donné qu'il s'agit d'un problème universel, s'il en est un. Banjo. PS, j'aurai peut-être bientôt accès à une machine à voyager dans le temps. C'est sûr que ça peut aider. Oui. Parce que, tu sais, un peu jour de la marmotte, avec la machine à voyager dans le temps. Il a réussi. Tu reviens. Oui, tu lui a réussi. Tu essayes. Ouais. Tu fais essai et erreur jusqu'à temps que tu trouves la bonne affaire. Puis là, bang. Ou 50 First Date, un peu la même chose. Ouais. Il essaie toutes les techniques pour aborder la fille. Ouais. Puis, Shades of Grey aussi essaie toutes les techniques. Dont des techniques particulières. L'objectif est bien choisi, oui, David. Merci, j'ai scanné dans ma tête. Ah, ben tu sais, c'est... Ben là, allons-y avec la simple. Le sourire. Non, mais lui dire, je te trouve jolie. Je te trouve jolie. Oui, c'est sûr que... Tu sais, c'est assez simple. La vérité... Je suis sûr que c'est efficace. Ben, mais des fois, il y a comme des... Les gens sont fermés aux relations parce qu'ils ont été... Le chat échaudé craint l'eau froide. Tu sais, une personne qui se fait parler... par plein de monde à tous les jours, va probablement fermer la porte à cette place-là. Enfin, moi, n'importe qui passe ici, là, je veux rien savoir. Ouais. Comment briser ce mur? Moi, vous savez que mon père et ma mère ont eu un jeu de séduction qui passe vraiment par la relation au travail. Ma mère travaillait à la Banque de Montréal, en fait, de Montjoly, puis papa est allé à la banque. Il est allé déposer, puis il s'était déjà vu avant. Puis là, ma mère, elle a dit, « Ne dépose pas trop, garde-en pour me sortir ce soir. » Ah! Elle était... Elle était advenante. Ouais. Puis un peu plus tard, mon père, il a comme écrit une lettre d'amour à ma mère, que ma mère, elle a gardée. Puis il disait genre, tu sais, comme une journée sans toi me semble aussi longue que... Et là, c'était son numéro de folio, le nombre de chiffres de sa folio me semble aussi long que, mettons, 8, 9, 6, 3, 4 jours. Tu sais, comme une niaiserie. Wow. Des jokes de caisse. Des jokes de caisse. Mais tu sais, peut-être qu'il peut trouver comme l'équivalent en termes, tu sais, comme genre, suce mon poireau, ou tu sais. Là, il travaille. L'équivalent. L'équivalent de romantisme. J'ai un petit marché, ouais. C'est étonnant, ça, parce qu'on est confronté souvent à ça. Tu sais, moi, je l'appelle la fille du DEP. Tu sais, c'est facile de créer de partir dans nos pensées, dans nos fantasmes et de s'imaginer une vie parallèle avec la personne mystérieuse dont on a peu d'informations. Ouais. On fait juste la trouver jolie, on s'échange un sourire. Et ça, c'est facile de... Moi, c'est très facile de tomber en amour avec la fille de son DEP. Ouais. Mais je pense que des fois, si tu casses un petit peu ce lien-là, elle peut devenir assez vite inintéressante. Ouais. Tu peux vite briser cette magie-là. Mais là, je veux pas casser ta bulle, non, mon cher Banjo. Mais je comprends. Tu sais, genre, tu finis par l'amplifier. Là, ça devient quelqu'un de mystérieux. Oui, exact. T'sais. Puis là, tu réussis à... Puis c'est quand même juste une caissière. Fait que, dire, puis qu'elle a sûrement une vie plate, si ça se trouve. Là, elle a peut-être des très gros défauts. Pas elle. Mais tellement des bons pick-up. Tu sais, mais toi, t'es à l'épicerie, là. Puis là, elle passe tes affaires. Bip, bip, bip. Puis là, tu dis, oh mon Dieu, c'est mon cœur qui bat plus vite pour toi. À moins qu'elle soit lente. Puis, mais bip. Moi, je pense que je suis complètement contre les pick-up lines dans ce genre de situation-là. Ouais. Surtout de l'ordre de genre alimentaire. C'est clair qu'elle s'en fait dire. C'est clair, là. Il y a au moins 10 gars par jour qui s'essayent. Oui. Qui doivent dire d'affaire, qu'est-ce que tu manges pour être belle demain? Ouais. Parce que je vais aller m'en affouter. Ouais. Ou bien non, tu lui fais un pick-up line qui n'a aucun rapport avec sa job. Genre, hey, est-ce qu'ils sont frais? T'es sain? Ça va faire bien là, je comprends pas. Ben, je voulais dire melon! Melon! Mais là, tu risques de bousiller tes chances. Mais moi, je pense qu'il faut créer le moment unique. Un événement qui les lie les deux. Oui, un événement qui les lie les deux. Là, j'irai pas jusqu'à engager quelqu'un pour faire un hold-up où t'arranges pour maîtriser le voleur. Parce que dans ces situations-là, là, ce qui arrive, c'est qu'il y a un vrai hold-up à ce moment-là. Et là, le gars, il fait son courageux. Il l'arrête. Ouais. Et là, après ça, quand le gars arrive pour rentrer, il pense que c'est un vrai hold-up. Et la police le tue. Ouais, ouais. Par contre, j'ai une idée, tu sais, dans sa même idée, là, tu sais, mettons une vieille femme qui lance de la crème glacée, tu sais, une niaiserie, là, tu sais, puis là, genre, là, oui, t'es super sweet avec la vieille folle, tu sais, mais qui est une folle engagée par toi, là. Puis, tu sais, comme. Oui, c'est une super bonne idée, genre. Oui, madame, tu sais, je vais prendre soin de vous. La crème glacée, ça se lance pas, ça se mange. Lâchez la napolitaine. Drop ta napolitaine! Mais sinon, juste une petite panne d'électricité, des fois, ça peut... je sais pas si c'est des portes qui ouvrent tout seul, là, mais tu sais, rentre, va dans la boîte à fusibles en bas, là, dans la boîte à breaker. Ferme ça, et là, hey, ouais, c'est une panne d'électricité, nanana. Hey, on est barré ici, jase un peu, c'est drôle, mais j'ai rien prévu, moi, mais je vais m'asseoir sur un melon, puis on va jaser. Non, mais tu sais, de trouver quelque chose de... Frais. Ça peut être simple. Ouais. Des fois, juste un orage, tu sais. Tu sais, il y a un orage qui t'empêche de sortir, de faire comme, je sortirai pas dehors tout de suite, je vais me faire mouiller bien raide, tu sais, de synchroniser avec l'orage. Tu choisis là, ton moment, là. C'est pas bête. Ou avant la fermeture, tu sais qu'il y a moins de monde, tu as peut-être plus le temps de jaser. Devenir... employé d'un jour. Ah, wow! Mais tu sais, tu dis pas que c'est juste un jour, mais tu deviens employé une journée. Ouais. Faire, hey, je sais pas à quoi je pensais, mais tu reviens, tu sais, acheter tes affaires-là, tu fais, hey, tu te souviens de moi, on a travaillé ensemble. Une journée. Ouais, puis tu m'as vraiment mis dans la merde. Non, mais me semble que tu m'avais dit... Ah, il travaille aujourd'hui, je vais prendre congé. Me semble que tu m'avais dit, je couche pas avec mes confrères et mes consœurs de travail. J'attends bien, je travaille plus. Non, mais tu peux aussi peut-être créer le moment, tu sais, genre, elle met les affaires dans le sac, puis tu l'aides, fait que les mains se touchent dans le sac. Wow. Puis là, tu chantes du coin de la bouche Endless Love. Ouais. Mmh. Ah, mais ça, c'est quand même. Non, mais c'est niaiseux, mais c'est quand même fucking drôle que quelqu'un ose faire ça, tu sais. Ouais. Ouais. Mais... Sauf que l'humour, c'est pas tout le monde qui maîtrise. Ce genre exact. De mot-là, exact. Creuser, faut que tu sois, faut écrire un mot sur chacun des items. Tu sais, la base, pip, je. Pip, j'aimerais. Pip, t'en. Ça, là, pour le mal que tu t'es donné pour faire ça. Entre deux allées, entre. J'étais. Oui, ça. Ouais. Surtout si elle ne scanne pas dans le bon ordre. Oui, c'est ça. Allez. Je... Mais elle voit pas. Des... Il y a des mots qu'elle voit pas. Allez, manger. Faut que de la. Chnoute. Marde. Oui, tu sais, c'était genre, ah, oh, puis de la marde, je t'invite allez, à manger. Allez, manger. De manger de la marde. Manger. De. Mais pourquoi tu mets de la marde? Pourquoi tu mets marde dans ton affaire? Parce que c'est okay, ça, c'est ah, oh, puis de la marde, je t'invite à manger. Mais faut que tu écris tes affaires de l'autre côté du code barre. C'est drôle ça. Ouais. Mais faut vraiment que tu places bien tes trucs là. Ouais, oui. Ah, puis de la marde. Mais tu sors, tu sors de. Marde. Mange ouais. De la marde. Surtout que lui, sa meilleure phrase qu'il a trouvée, c'est hop, de la marde. Je t'invite à manger. J'ai deux solutions. Je sais. Ouais. Oh, mais il se bouscule. Quoi? Oui. Acheter tous les aliments nécessaires à un souper romantique, tu sais. Okay. Puis après ça, dire. Comme ils font du Swiss night. Mettons. Puis tu sais, dire après ça à la caissière, ponche, ben j'ai acheté tout ce qui est parfait pour un souper romantique. Ne manque plus qu'une invitée de choix. Vos invités, est-ce qu'ils sont fraîches? Oui, elle était dans le spécial. Et l'autre ça, affaire, c'est pick-up line. Oui, ça, c'est pick-up line. L'autre affaire, c'est de s'emparer du micro d'une autre rangée de caisses où elle travaille. Puis c'est comme dire, mettons, tu sais, une caissière est demandée, tu sais, dans mon cas, chambre à coucher. Dans ma chambre à coucher. Ouais. Dans mon salon. Sinon, je ne vais pas avoir. Je ne vais pas avoir l'air freak, là, mais de. Trop tard. De je trouver l'ai. Son nom, premièrement. Oui. Ensuite, d'aller sur Facebook voir les amis communs. Oh! On pas a toujours un ami commun. Si tu as un minimum d'un ami commun, il y a de l'espoir. Là, ça va bien. Ouais. S'il y a pas, et là, c'est le temps de rappeler cet ami-là. Et lui dire « Salut, comment ça va? » Ça va, oui. Hey, je sais que j'avais... Comme ça, tu connais Julie, ouais. Gagnère? Julie, ah oui, j'allais au primaire avec. Bon, ben écoute, faut que je te laisse. Ouais. Mais si cet ami commun-là est proche de cette personne-là, là, t'as un petit passe-droit, arrange pour faire une activité. J'avoue que c'est le réflexe le plus naturel en 2014. Ouais. Là. Facebook, ouais. Allez voir. Ouais. Ah, on fait juste commun. Ça, stocker le monde. Mais, tu sais, aller dans une autre épicerie puis demander comment. Ah, que c'est drôle. Se oui. Faire. C'est trippant, faire un focus group avec toutes les caissières. Vous, qu'est-ce qui vous plairait? Peut-être faire un petit documentaire là-dessus. Puis à la fin, tu finis avec ta tentative. Oui, c'est bon. C'est bon. C'est toi, mettons. Bon. Un là, peu c'est... comme Facebook, dans le fond. Quand Mark Zuckerberg, il finit en faisant une demande d'amitié à la fille qui draguait plus tôt, là, comme s'il avait créé Facebook pour pouvoir se rapprocher de la fille. Ouais. Mais Justin Timberlake, il n'a pas besoin de demander le numéro à une fille. Non. Non, mais lui, c'est pas lui qui est parti. Lui, est parti. Il fait le gars qui est parti Napster. Ouais. Ah, il fait le gars. C'est pas lui. Je pensais que je jouais son propre rôle. Justin Timberlake n'est pas parti Napster. Je trouvais hot. J'ai une idée. je parraine une personne déficiente intellectuelle, tu sais, qui va apprendre à faire une tâche dans l'épicerie, tu sais. Fait que tu trouves un. Mathieu. Quelqu'un qui va imiter. Mathieu va le faire. Ouais. Tu vas le faire. Un déficient, va le faire, tu sais. Je vais mettre ma main de même. Là. Pas oui. Besoin d'aller dans les clichés, juste. Les clichés pas crédibles. C'est pas crédible. Et tu dis, je viens avec mon frère déficient. Mais même pas mon frère, tu fais non, genre, une je suis personne, grand frère. Je suis grand frère. Tu sais, genre, tu vois, avec un organisme. C'est la personne que j'ai choisie. Ouais. Il avait plein de petits grands forts, mais moi, je pensais que lui avait besoin. Mathieu, arrête de regarder ses totons. Ouais, mais ça, c'est. Regarde pas ses magnifiques totons. Ça, c'est dangereux parce que d'un coup, elle, ça l'écœure, les déficients, tu sais. Ou ça fasse comme dans Marie, un je ne sais quoi, qu'elle découvre la fraude. Oui. Oui, c'est ça. La technique, Marie, un je ne sais quoi, là, d'aller chercher de l'information avec le genre de bidule là, que tu peux entendre de loin. Là. Ça, c'est oui, non, mais c'est ça, la connaître, mais il ne faut pas être creepy. C'est ça, tu ramasses des informations. Mais tu sais, quand quelqu'un te connaît trop, Puis toi, tu connais pas cette personne-là, tu fais hey, ça, c'est bizarre. On a trop vu de films. Il faut être habile avec l'information. La solution Big Fish est la solution romantique de faire d'aller voir le gérant d'épicerie, dire je vais travailler pour vous. Et mon seul salaire, c'est je veux une information sur la caissière à chaque mois. Wow. À chaque mois, c'est beau, ça. Mettons chaque jour. Chaque jour. Ça peut-être travailler. Non, c'est plus romantique à chaque mois. Oui, ça veut dire qu'il faut que tu chaque année. Et dans Big Fish, l'avez-vous vu Big Fish? Ouais. Non. Ouais. Il dit que sa couleur préférée, je pense, est le bleu. Il dit et sa fleur préférée est la jonquille. Et là, il va devant chez la fille et il a fait une mer de jonquilles et le gars est vêtu de bleu. Maudit que c'est beau. Il vient la demande en mariage. Bleu. C'est beau. Oui, mais c'est une bonne technique. Ça, tu fais à partir des deux éléments que j'ai sur elle. Mais tu sais, faut que tu sois sûr. Là, faut que tu sois sûr de ton affaire, là, parce que... Mais elle peut pas rester insensible à ça, tu sais. Mais non, mais je veux dire, après ça, là, hey, elle tripe sur toi, puis là, deux semaines après, tu fais... Ça marche pas. Tu sais, moi, je suis pas quelqu'un qui se fait draguer dans la vie, mais je me mets dans la peau de quelqu'un qui doit se faire draguer régulièrement. Tu sais, elle doit toujours... Il doit avoir deux catégories. Là. Il doit avoir la catégorie, là, c'est toutes les mêmes, c'est tout le temps la même ligne, c'est tout le temps grossier. Mmh. Et la catégorie des... Ah, oh, ça, c'est... T'es amusant. Ça, c'était mignon. Ah, ça valait... Ouais. Et si tu rentres dans cette catégorie-là, t'es capable d'en faire plus... Et d'être capable d'aller chercher le... Ben, pour vrai, j'ai pas le choix. Faut... Ouais. C'est trop, c'est trop original, c'est trop beau. Faut que je le fasse, faut que j'aille voir. Il mérite de souper avec moi. Mais il m'a prouvé. C'est pas tous les gens qui se disent genre ah, oh, ça mérite que j'aille voir, faut que tu aies cette petite curiosité-là. Il doit en avoir plein qui font comme non, j'ai un chum. Ouais. J'ai un chum. Non, je me lave les cheveux. Ouais, si elle a un chum, par exemple, là, t'es baisé, mon gars, parce qu'il va falloir que tu utilises d'autres genres de stratégies. Ouais. Ben, le chien Mira, moi, je trouve que ça peut être efficace. Je vois Phil Pédo sur Twitter nous écrit trois mots, vanne blanche et chloroforme. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire Econoline et chloroforme. Je pense qu'il parle de la kidnapper, moi. C'est pas un band de musique indie? Arrête de lire les Twitter de... T'es censé le bloquer? Ben, il y a quelqu'un, nommons-le Frédéric Rarbouchi, qui ne l'a pas fait. Mais la technique vanne blanche et chloroforme peut être bonne. Ouais. Si tu veux provoquer le moment, justement, tu kidnappes l'autre caissière d'en face et sauve avec. Et toi, tu assistes à ça. Et tu fais « Hey, merde! » Mais tu protèges. Oui, tu protèges l'autre. Ouais. Hey, j'ai une autre idée. Une autre idée avec l'autre caissière. Tu sais, comme tu crouses grossièrement l'autre caissière. T'sais. L'autre caissière fait genre... Elle va parler à son ami de caissière, puis elle fait « Ah, il est vraiment con, il est lourd. » Tu fais comme genre un clin d'œil à l'autre caissière. Puis là, finalement, là, toi et l'autre caissière, vous construisez une espèce de scénario, là, du genre « Ah, il était tellement con au début, finalement, j'ai donné une chance. » Puis là, tu fais comme si tu brisais le cœur de l'autre caissière, mais tu construis un personnage un peu mystérieux, mais tu sais, comme... Ouais. C'est comme, il m'a encore envoyé une douzaine. Ah oui! Tu construis un scénario là, fou là, qui met en vedette l'autre caissière. Fait que là, il y a comme une jalousie de fille puis une compétitivité qui va s'installer. Puis elle va te vouloir là, jusqu'à la fin des temps. C'est bon ça. C'est si tu arrives à la caisse. Croiser l'autre caissière. Avec toutes les cannes de thon de l'épicerie. T'es autres. Toutes les. Parce que Dieu sait qu'un du thon, là. Non, non, mais. Ça c'est pogne. Charmant. Non, mais quelque chose, là. Tu prends tout. Il y en a en quantité, là. Tu prends toutes les céréales Shreddies. Tu sais qu'il y a des fleurs aussi à l'épicerie, hein? Non, non, non. Mais tu prends une affaire, puis tu prends toutes, là. Mais beaucoup, beaucoup. Puis là, elle a fait. Qu'est-ce que tu fais, Carlis? C'est le gars qui a acheté toutes les Shreddies l'autre fois. Ah, ouais. Pourquoi t'as acheté toutes les Shreddies l'autre fois? C'est une affaire là. Là tu cries le petit manque là. Qu'est-ce que la curiosité Tu peux dire tu regarderas la télé le 26 janvier tu vas comprendre mais quel poste ou tu dis quelque chose de cute genre tu dis genre mais tu sais j'ai découvert que les bébés pandas aimaient ça. Il y a des bébés pandas. Mes bébés pandas aiment beaucoup ça. Mes bébés pandas aiment beaucoup ça. Ouais, cultiver le mensonge. Oui, ouais, c'est ça. C'est sûr qu'après, là, tu dis que la Chine est venue les rechercher. Là. Ouais. Ils m'ont pris Ming et Ling. Ils m'ont pris Ping et Pang. Ils m'ont pris... Oh non, c'est pas drôle. J'allais dire, ils m'ont pris Ching et Daniel Ouimet. Ou la bonne vieille technique que Mathieu Bouillon m'a appris, ne pas lui laisser le choix. Ah, c'est beau, ça. Pipe-toi au gym, mon gars. Pipe-toi au gym. Pendant 5 mois d'affilée. Sérieusement, tu laisses pas le choix. Sois ben trop sexe. Arrive dans des belles petites jeans là, diesel, un beau petit T-shirt, là, juste assez de sueur là, sur toi, une belle petite coupe bien propre. Sans bon, bien cut. Laisse pas le choix. Laisse-y pas le choix. Hey, toi! Hey, toi! Dans mon panier! Embarque dans mon panier! Oui. Tu laisses pas le choix. Oui. Ou tu te déguises en parfoura, puis tu fais mon premier! Est un... Puis tu fais une énigme sur comme toi. Mon premier est un garçon charmant. Mais il y a ça dans How I Met Your Mother. Je suis le père Foura. Foura, fourras-tu? Dans How I Met Your Mother, comment il s'appelle le... Barney. Barney qui arrive déguisé en vieillard, justement, et il accroche une fille en disant « Écoute, j'arrive du futur, l'humanité est vraiment en danger. Tu vas voir, je vais arriver, moi, jeune, dans pas long, dans ce bar-là, et il faut que tu me parles, il faut que qu'on s'accouple ensemble parce que c'est ce qui peut sauver l'humanité, nanana. » Et là, il sort et il revient lui-même avec un sarrau, là, comme s'il arrivait du laboratoire puis que c'était un scientifique. C'était pour ça, la machine qu'il devait construire! Ben, peut-être bien! C'est malade! Ça me fait beaucoup rire, ça. Mais en plus, le maquillage est tellement bien fait. En quelle année sommes-nous? Mais... et je vais prendre ce pot d'olive. Ne t'en fais pas, Martine. Ça me dérange tout. 2062, les oliviers. Ben, d'écouter ça, là. Ben Barney dans How I Met Your Mother, je pense que c'est une multitude de trucs. Les plus inventifs les uns que les autres pour cruiser des filles. On s'en rien, c'est ça que tu vas me dire. Il y a un DVD qui peut nous remplacer. Il y a un DVD qui peut nous remplacer, nous, pas de problème. Le rouleau de... Scott Towell? Non, sur les trucs... Trottoir? Le tapis roulant? Le tapis roulant, oui. L'affaire qui m'a déjà squeezé une couille, là. Ah! What? J'ai déjà compté ça. À l'épicerie, tu t'es squeezé une couille dans le tapis roulant. Comment t'as fait ton compte, mon gars? Ta mère t'a mis sur le tapis roulant. Pourquoi tu vas passer ton... Hein? Je voulais me faire peser. Je me faisais tout le temps peser. Puis une fois, elle est allée... Quel âge? Enfin, là. Puis pourquoi t'avais une couille à l'air? C'est tout mon gros de cuisse qui a comme pogné. C'est pas ma couille, là. C'est le gros de cuisse. Ça a été extrêmement douloureux. Mais c'est clair. Depuis ce temps-là, t'as une fausse cuisse. C'est une fausse cuisse. Mais ça a été une belle leçon pour ta mère. Genre, je vais arrêter de crisser Mathieu sur ma mère. T'as peut-être te pratiqué, là, mais la cravate dans le tapis roulant. Ah oui! Mais oui! Voyons! C'est mieux que le gros de cuisse. Ah oui, c'est bon. Mais là, il faut vraiment que tu calcules ton affaire. Faut que tu saches d'avance comment désactiver la machine toi-même. Parce que si la fille, elle sait pas... Non, mais mets le bâton. Il y a le bâton. Un petit visuel, là. Il doit avoir quelque chose à faire avec la carte métro aussi, tu sais, si c'est chez métro, si c'est pas dans un métro, si c'est au marché, genre la carte marché. X. Ouais, carte X. Un non, petit mais... marché, il a dit. C'est peut-être petit même. Il y a peut-être même pas deux caissières, là. Ah ouais, disons, c'est classe, toi. Pourquoi pas moi, j'ai une solution vraiment le fun, je pense. Ouais, cool. J'achèterais du steak haché, mais je percerais le foam. Fait que là, le sang coule sur le tapis. Elle est obligée, tu sais, de le nettoyer. De licher. Puis, puis là, c'est de là tu pars ton anecdote de sang, là. Ton anecdote de ça. Tu prépares une anecdote de sang de bœuf. Puis t'engages la discussion avec ça. Ou tu parles genre maudit. C'est ce temps-là du mois. Ou genre, mon Dieu, ça me rappelle le sang de Billy. Tu sais, Billy, le petit veau que j'ai fait traverser. Tu sais, un peu comme le film City Slickers. Là. C'était quoi? Avec Billy Crystal. Billy Crystal. Non. Non. Marvelous. Braguer ses amis connus. Les apprentis cowboys. Oui. Tu rentres faire ton marché avec plein de gens connus. Oui. Puis elle menait à faire. Quand t'es tout seul, tu sais, tu peux rentrer et dire ah, tabarouette, là, tantôt. Hey, lui, il connaît Angèle Arsenault. Ouais. Comment il s'appelle, là, celui qui donnait des conseils de drague, là, Marc. Marc Boilard. Marc Boilard. T'arrives avec Marc Boilard. Ne surtout pas demander. Ah oh, oui! Puis tu te pointes devant elle, puis tu dis bon, qu'est-ce que je fais, mon Marc? Non, non, mais lui, non, mais lui il fait ah! Immanquable, Banjo. Merci pour ces conseils. Oh, wow! Encore ouais. meilleur! Puis il s'en va. Oui, ouais, mais en même temps, OK, ouais, vous êtes il est rendu où, Marc Boileau? Je sais pas. Continue d'écrire des livres, j'imagine. Mm. Ou ben un autre mais... gars, un de tes chums lourd, tu sais, qui fait semblant d'être dégueu avec la caisseur. « Hey, moi, je te poserai les boules dans le scanner. » Puis toi, tu fais comme un gars. Ouais, qui fait « Hey, laisse-la donc tranquille. »« Hey, laisse-la donc tranquille. » Ces boules-là, là, ouais. c'est pas ta propriété. C'est pas... Puis là, tu le frappes. Puis là, non, Lorraine, mais non, correct. Plus subtil que ça, tu sais. Il s'en va. T'sais, c'est comme la personne qui est juste avant toi. Ouais, c'est ça. Là, il s'en va, tu fais... Il était lourd. Non, mais joute intellectuelle. T'envies-tu souvent des lourds comme ça dans ta journée? Tu sais, comme... Je compatis avec toi. C'est lourd, là, c'est un classique. Puis c'est là que le sandbuff coule. Et là... Ta joke de sandbuff. Tu peux faire que ça se combine. Tu peux faire que tu le long d'eau aussi, Billy Crystal. Ah, le petit veau qu'on a fait traverser, Missouri. Oui. Sinon, j'en ai une bonne. Ouais. Bonne solution. Fais le tour des autres petits marchés et teste ton matériel. Oui, oui, oui. Non, on l'a dit, ça, tantôt. Ah oui? Le focus group avec les autres. Ah, oui, un focus group. De demander aux autres. Mais moi, je pense de vraiment tester son affaire dans les autres marchés. Là, ouais. Tu fais le sandbuff une place. 40 dates avec des caissières que t'aimes pas. Oui, mais ton objectif est clair. Marc Boileau disait ça dans son livre. Là. Il dit les gens qui sont trop timides pour aborder une fille dans la rue, il dit force-toi à aborder 50 personnes, 50 filles, à n'importe quel moment, n'importe quand. Son DVD, tu l'as ici, je pense qu'on peut regarder. Oui, non, on remet ça, on remet ça dans sa boîte. Qu'est-ce qui est écrit sur le DVD? À mon ne pas ami toucher. Martin. Merde! ça va t'arriver un jour. Mon Dieu. Mais Wayne Gretzky disait. C'est quoi déjà? Je manque 100% des shots que je ne fais pas. Ou quelque chose du genre. Ah oui, c'est bon, à mon avis. Je rate 50. Non, mais tu sais, si tu ne le fais pas, tu le rates, c'est ouais, sûr. Ouais. Ah, ouais, ouais. Je sais pas, c'est vraiment bon. Exactement. Mais c'est beau. C'est inspirationnel. Ouais. Puis la caissière, elle, c'est peut-être 100% une ratée. Oui, c'est ça. C'est que là, on part tout ça en se disant la fille est vraiment oui, mais cool, lui, là, lui, il faut qu'il puisse. Être nourri de ça. Là, you miss 100% of the shots you don't take. C'est wow. beau. Moi, j'ai une anecdote de ça. Hein. Quand j'étais plus jeune, là, un caissier que je trouvais vraiment beau. Hein? 10 ans plus tard, je l'ai revu puis il était rendu à la boucherie. Je peux-tu dire que je trouvais ça plate à mort? Ouais, hein. Dans le même épicerie. Là. Mais il était plus caissier, il était rendu à la boucherie. Mais c'est genre pas à son père? Ou... Non, là. Puis pour lui, c'est peut-être un upgrade. C'est, là. Genre, ben sûrement. Mais, il est docteur, mais la fin de semaine, il vient aider. Mais on s'est reconnus parce qu'on ne se parlait pas, mais on se regardait. T'sais, visiblement, là, on s'était spotés. Puis on s'est reconnus vraiment 10 ans plus tard. Puis j'ai senti. Là, la déception. Là. Ben, lui, t'sais, je pense qu'il se sentait comme une merde. De dire, hey, là, je suis à la boucherie. C'est tout. Ouais. Mais peut-être. Ben, peut-être pas non docteur. Plus. Docteur. Peut-être qu'il s'est dit, hey, je suis rendu à la boucherie. Peut-être ouais. là. Ces études m'ont bien servi. Oui. Maintenant, je suis bouché. Tu sais, ça se peut. Mm. Mais enlever tous les codes-barres sur tes items, ah ouais. pour que les effacer, ça gosse longtemps. Ouais, ça ouais. marche pas. Là. Ou juste gosser, ouais, pour qu'elle les rentre manuellement. Enfin, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe avec ta machine? As-tu besoin que je t'aide? J'ai la pire solution. Puis là, le sang du bœuf. La pire solution, ça serait prendre le séparateur là, entre les différentes commandes là, que tu mets sur le tapis roulant. Tu le prends, tu le crosses vite, tu demandes ses boules, tu pogotes la face, puis tu fais. Et ça, là, ce n'est qu'un avant-goût. Ah, c'est. Oui, ça se peut. T'aimes-tu ça, Martin? Oui, on rate 100% des shots qu'on fait pas. Fait que... Mais moi, pour avoir travaillé dans une épicerie, à la fin de l'épicerie, il faut aller chercher toutes les fleurs qui sont comme au début des caisses, puis on les amène dans le frigo. Parce que dans le frigo, ils durent plus longtemps. Peut-être que c'est le moment où, en allant chercher toutes les fleurs, t'amènes la caissière dans le frigo. Avec du chloroform. Avec du chloroform, puis une fois qu'elle est gelée raide, t'en mets dans ton coffre de char. Hey boy! Moi, là, en tout cas, Banjo Bouchard, qui est un éminent professeur de philosophie, rappelons-le, je pense que tu es capable de te pogner une caissière dans un marché. Mais, hein, surtout si tu y cites le bateau d'or. Ouais, tu sais, c'est ça. Tu sais, go, là, sa philo. Ben là. Oui. Oui. Sinon, philo. J'ai une autre idée. S'il se fait passer, mettons, pour. Tu sais, il s'arrange pour y faire plein d'erreurs, là, et il dit écoute, je suis le client mystère. Ah. Wow. Je vais pas, c'est bon. J'aime beaucoup ça. Puis, je veux dire, je te trouve très pas, sympathique. Là. Je te coulerai pas. Mais je veux que tu coules en moi. je veux couler. Tu vas ruiner tout ça. Mais je suis prête à ce qu'on aille prendre un café ensemble, tout te dire ce que tu as fait de pas correct. Ouais. Puis c'est là que tu prends le séparateur de Mathieu puis tu snaps dans la face. Puis moi, je vais t'en montrer une affaire de pas correct. Je vais te dire ce que tu as fait de pas correct. Mais... moi, je vais en faire une affaire pas correcte de... aussi. Deux affaires pas correctes ensemble, ça s'annule. Ça peut peut-être faire quelque chose de bien. sur Facebook, on a Patrick Nadeau qui écrit « Une audacieuse utilisation du système d'intercom peut porter fruit. » Ben oui. Il ajoute « S'informer des choses que la caissière aime et n'acheter que ça. » La napolitaine! « Remplir des coupons de clients satisfaits. » Mais il a proposé de demander à son meilleur ami de faire un hold-up et de faire le bras. Ah, ça tourne au vinaigre. C'est clair que ça tourne au vinaigre. Ça, c'est inspiré d'un prince à New York, mais c'est pas de même. Tu dévisses pas la mop pour... Louis-Félix Trudel écrit « Passer un bouquet de fleurs à la caisse et dire « Non, celui-là est pour toi. » C'est beau. Et si en disposant tes trucs sur le tapis roulant, tu mets comme deux kiwis et un zucchini pour faire... Et après ça, tu mets deux melons de miel avec un concombre. Oui, c'est fini. C'est fini avec une boîte de concombre. Non, mais tu sais, tu fais juste des petits montages, là. Tu penses vraiment là, à faire un petit... Tu te regardes dans les yeux. Tu t'écris crossbowl en framboise. Mais moi, je ris encore de... Du jello, du pudding, des condoms, un corniche déco, un peu comme ça. Juste des affaires, tu sais. Mais tu sais, le gars qui veut être... Moi, un DVD de 9 semaines et demie. Ouais. Le gars qui veut comme être sincère puis cool, puis tu sais, qui se dit « Ah, oh, je vais écrire le A puis de la merde, je t'invite à aller manger. » Puis elle aller manger de la merde. « Ah, puis aller manger de la merde. »« Puis aller manger de la merde. » Chris, que c'est drôle. « Je t'invite. » Ah, puis je t'invite à aller manger de la merde. C'est plus drôle à la fin. Oui, je t'invite. Manger de la merde, je t'invite. C'est drôle. Les solutions préférées? Mais oui, pas mal, ben ça. C'est pas mal, celle-là. Ouais. Ben, croire à la philo, là, c'est un gars brillant, puis on le voit là, à chaque question qu'il nous pose. T'sais. Il est bel homme à part ça, Banjo. Mais pourquoi pas mettre un enfant dans ton panier aussi qui fait genre... Elle est belle, la caissière, maman. Ah, oh, papa. Elle est belle, oui, la caissière, elle est papa. Belle. Puis tu fais, oui, elle est très jolie. Pourquoi tu sors pas avec? Parce que papa, il la connaît pas. Parce que j'honore la mort de ta mère. Oui. Elle est presque aussi jolie que maman. Non, mais c'est bon, ça. Oui, c'est le cue là, d'un enfant. Là. La caissière, elle peut pas résister à ça. Non. Vous êtes très jolie, mademoiselle. J'ai croisé, en travaillant sur les gags, juste pour rire, un petit gars qui... arrêté de vieillir, lui, à, je pense, 10 ans. C'est-à-dire qu'il était tout avec des jeunes de 10 ans, c'est des ados, c'est des gags juste pour eux qui incluaient, qui comprenaient des petits jeunes. Mais lui, tu sais, il parlait, puis c'est « Tabarouette, c'est bien weird ». Comme parlait Ralph vraiment, Macchio. Le gars, il a 16 ans. Puis c'est la... un vrai truc? Oui, puis c'est la fille, la coordo, là, qui m'expliquait « Non, lui, dans le fond, il a une maladie, tu sais ». Fait que, tu sais, ça, là, capitaliser là-dessus, là. Oui. Le génie qui pourrait avoir un enfant. Les Wayans Brothers, ils ont pas fait un film où le gars est un bébé, là? Ouais. On fait ça. Mais non, tu dis au petit bébé, oui, de louanger. C'est elle, papa, la fille que tu t'es amoureux d'elle? Oh, dis pas ça. Dis pas ça. Là. Oui. Quand est-ce que tu l'invites à manger à la maison? Wow, ta gueule, je suis sûr que les pandas aimeraient ça. Je suis sûr qu'elle aimerait nos pandas. Pas tout de suite, Timothée. Ping et pong. Avant que la Chine vienne les chercher. Mais c'est là, qui Ralph Macchio? Je cherchais. Ralph Macchio, Karate Kid. OK, puis il n'y a pas... Je pense qu'il faisait Karate Kid, puis il avait déjà 30 ans, ou je sais pas, non. Il était plus vieux que... Ah oui, OK, il était déjà vieux. Là. Je le vois en 2009, là, tu sais, il a l'air... C'est vrai qu'elle a l'air plus jeune que son âge. Ouais, ouais. Hey, regarde, pour il est chanceux, ça. Pour peindre une clôture comme il peignait, il avait au moins 30 ans. Mais sincèrement, tu vois sa photo, il a l'air beaucoup plus jeune que 52 ans. Oui, ouais, il a l'air de 32 là-dessus. Le bon Dieu était smart. Si vous en avez des problèmes, vous autres, à la maison, mais pas pour ses genoux. Pouvez-vous nous les soumettre? Ou si oui. vous avez des solutions aussi, partagez-nous-les. Partagez-les-nous. Mm-hmm. Mm-hmm. Et d'ici ce temps-là, gênez-vous pas pour aller voter pour nous. 5 étoiles ou rien sur iTunes ou sur Balado Québec. Hein, on est toujours preneurs de des bonnes cotes. C'est vrai. Parce que si t'aimes ça, tu mets 5 étoiles. Puis si t'aimes pas ça, ben tu mets rien. J'aime David Lambert dans notre équipe, contrairement à Simon Rousseau, qui lui prône de voter ce qu'on veut. Ben non, Simon Rousseau, invitez les pus, ça n'a pas rapport. Garde, je pense qu'on va te prendre au mot. Ben, garde. Mais pour continuer aussi, juste en terminant, là, David, un beau sourire encore, c'est probablement. Un beau sourire aussi. C'est peut-être la solution à tous les maux. Moi, là, ça fait 4 émissions que je ramène le sourire, mais on l'oublie, le pouvoir du beau sourire. Ben, c'est sûr que c'est un sourire de merde, peut-être pas ce pouvoir-là, là, mais c'est un beau sourire. La sincérité. Puis non, je retire, même avec un sourire de merde, c'était sincère. Le T-shirt écrit. J'ai fait faire ce T-shirt pour passer un message à la caissière lui dire que je la trouve jolie, qu'elle a l'air sympathique et j'aimerais peut-être l'inviter à prendre un café ou quelque chose du genre. Allez manger de la merde. Je t'invite. Allez manger de la merde. Allez manger de la... Oh, puis je t'invite. Oh, puis je t'invite. Mais si vous voulez, d'ailleurs, si vous cherchez des T-shirts, hein, allez sur l'instable.com et pour nous faire un déon aussi. Mais allez visiter aussi Mr. Dress Up, celui qui nous... Il fait des T-shirts, il n'y a pas de problème, mais il y a plein d'autres T-shirts. D'ailleurs, un de l'instable aussi. La madame sur le basic. C'est vrai. Il est beau, le T-shirt de l'instable. Donc, allez là, puis envoyez-nous vos problèmes. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, mais pouvez-vous enregistrer sur votre téléphone? Oui. Puis nous envoyer ça via podproblème@gmail.com, direct. D'ailleurs, Banjo, là, tu sais que ça fait plusieurs... Le prochain, on veut un audio. Dio, c'est pas un groupe de Dio. De gars. Non, c'est Il Divo. Oh, Il Divo. Ah, qu'ils sont bons. Ah, les autres, ils chantent n'importe quoi. Les autres, ils chantent n'importe quoi, là. J'espère que tu te rappelles du mot de la fin. Oui. Vous savez, si vous avez un problème, nous, ben, on a un podcast. OK. C'était moyen, hein? C'est bon. C'est senti, puis tout. Oui, j'ai essayé de le jouer.